la micaouette me fait la tête. Cacaouette, la petite Noé veut plus me parler. Canoé, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Hannibal, mamselle, le son long me traite de con. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va. Comment allez-vous? Bien. Alors, je pense que les auditeurs ont remarqué qu'aujourd'hui, ce n'était pas les mêmes voix que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre équipe, une équipe de choc. Hein? Oui. Oui. Donc, on va se présenter quand même, chacun son tour. Alors, on va commencer, tiens, par la technique. Qui est en technique? Zinedine. Zinedine. Oui, tu es avec qui, Zinedine? Avec Marion. Voilà, eh bien, bonjour à Marion. Marion, toujours avec le sourire. Hein. Mmh. Ensuite, qui est à ma droite? Eddy. Bonjour, Eddy. Marina. Teddy. Marina, Teddy. Ensuite, Steven. Oui. Maghrib. Oui. Paul. Paul, voilà. Eh bien, l'équipe est au complet. Hein. Donc, pour commencer l'émission, la dernière fois, il y avait une chanson mystère qui avait été choisie par Émilie. C'était YouTube. Et ben, personne n'a appelé, je pense, Marion. Voilà, c'est dommage, personne n'a trouvé. Eh bien, aujourd'hui, il y a une nouvelle chanson. On l'écoute et surtout, on ne dit rien. Allez. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du grand, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canons. Tout ça te fait pour moi ce qui tout est la taronne. J'ai baissé les plans. J'ai baissé les plans. J'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école. Si seulement tu savais. Le mal que je garde. Les sonneries, les bruits de chaise, moi chercher d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne Frank à Sweet Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué. Plus d'une fois, dos au remu, trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straps en guise de mif, les straps en guise de but, freinés par les fils de tu. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher le blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait tous chez le plan. Tu connais Bati Pro, Creed, c'est le pro. J'écrivais dans le chrome avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans toute cette patience. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus de nouvelles, pas très faible, malédiction. Dorénavant je fais de l'avant. C'est ma direction. Ma direction. Je me remémore les clashs, les concours de rap RS. Dans la rue, ça rappe en masse, ça s'appelle d'aller na Hesse. Pour un 16 méga t'agresse, le kickage nous apaise. L'on voit nos mains s'élèvent quand les flics ça nous rabaisse. Le rêve est à nos pieds, donc on dort tête pêche. On baigne dans les richesses, mais nos lèvres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarpes me déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèces. Maintenant, on fout dehors la Hesse, même si nos passes les berges. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Si on a autant ramé, c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stecker l'estrement qui voulait nous faire chavirer. Mais ça taf, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat, ma foi baisse, mes fautes sont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès te fume, m'appelle tu le crapaud. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les pas. Plus tout belle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je mets de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. Ah, fuck le taf. Un bac pro ça paye pas, avec les schraps pour le rap, ben on veille tard. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et tu nous suicides, déterminé, on part au front sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils ne vit que d'or. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qu'ils négligent, ben en plus que tort. Je sais où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'ovnis. Je me dirige vers la gloire et les blèmes pro. La musique est une femme à problème, mais c'est putain j'aime trop. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je mets de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. T'es foutu si tu échoues dans ta situation. Foutu si tu échoues dans ta situation. On enlève les casques. Voilà, merci. Et eh ben voilà, j'ai eu un concert en direct là. Hein. Tout le monde chantait. Paul faisait le paparazzi avec son téléphone portable. Hein, Paul? Oui. Prenait des photos, des vidéos. Oui. T'aimes bien ça? Oui. Oui. Donc, on va dire aux auditeurs de nouveau le numéro de téléphone, si quelqu'un connaît la chanson. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui se rappelle du fameux numéro de la radio? Sans tricher. Personne? Teddy, tu te rappelles pas? Sans tricher, j'ai dit. Non, je me rappelle pas. 03, 29, 62, 40, 40. 40, 40. Voilà. Donc, on commence par le premier sujet. Chacun d'entre vous, c'est un sujet, c'est plutôt des présentations, chacun d'entre vous devait se présenter, c'est-à-dire en disant son âge, un petit peu là où il habite, hein, qu'est-ce qu'il fait actuellement, mais aussi qu'est-ce qu'il aimerait faire à l'avenir. Hein. Ah, aussi. Alors aussi, je vous rappelle que quand il y en a un qui... Qui parle, voilà, on ne lui coupe pas la parole. D'accord? Alors, qui veut commencer? Oh, Marina, les filles, c'est toujours les plus courageuses. Alors, on écoute Marina. Vas-y, Marina. Je m'appelle Marina. Tu as quel âge, Marina? 20 ans. 20 ans, oh, que c'est beau. Tu habites où, Marina? À Basse-sur-le-Rue. Oui, à Basse-sur-le-Rue. Et alors, en ce moment, tu fais quoi? Des stages. Des stages. Parce que tu es sur quel groupe? Aliémeux, tu es sur quel groupe? Les 16-20 ans. Oui, et ça s'appelle? CIFPRO. La CIFPRO, la section... Ouh, j'attends la suite. D'initiation à la formation... professionnelle. Voilà, donc tu fais des stages, Marina. Alors, qu'est-ce que tu fais comme stage? Tu vas où? À l'ESAT. À l'ESAT, ok. Est-ce que tu en fais à l'extérieur de l'IME? Ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Donc, à l'ESAT, tu fais quoi? La blanchisserie. La blanchisserie. Alors, est-ce que ça te plaît, ça? Oui. Oui, ça te plaît. Ok. Et puis, sinon, bah, je continue avec toi, Marina, hein, tant que je te tiens. Hein. Comment tu vois ton avenir, Marina? Parce que l'IME, normalement, ça s'arrête à 20 ans. Oui, oui. Hein, donc après, bah, il faut s'orienter ailleurs, normalement. Hein. Aller voir un petit peu plus loin, comme on dit. Donc Marina, comment tu vois ton avenir après l'IME ? D'aller en blanchisserie. Donc toi, tu aimerais rester à l'ESAT ? Oui. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aimerais être dans un foyer, avoir ta chambre, oui, ou rester chez toi ? Oui. Oui, quoi ? D'ailleurs, dans un foyer. Ah, bah oui, hein, c'est sûr. Ah, puis elle est contente quand elle dit ça, Marina. Hein. Mm. Bah oui, on comprend. Hein. Et puis alors, une autre question, Marina. Quels sont tes loisirs ? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'IME, à l'extérieur ? Quand tu n'es pas à l'IME, que tu es chez toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? Prends ton temps, Marina. J'aime bien aller me promener. Te promener, oui. J'aime bien faire du bricolage. Du bricolage, oui. Est-ce que tu fais un peu la cuisine chez toi, Marina ? Oui. Oui. Est-ce que tu vas à la piscine, à des spectacles, au cinéma ? Oui. Oui, bien, bien. Non, t'es dit, c'est Marina, merci. Et autre chose, Marina ? Non. Non ? Est-ce que tu es contente d'être à la radio aujourd'hui ? Oui. Oui, parce que ça fait quand même quelques années que tu n'es pas venue, hein ? Non. Alors, est-ce que tu trouves quelque chose de changé à la radio ? Oui. Mm. Oui. Marina, regarde bien autour de toi. Est-ce que tu vois quelque chose de changé ? C'était comme ça quand tu venais ? Non. Comment ? Non. Non ? Ah, alors c'était comment ? Tu sais pas ? Non. Non, eh ben, je poserai la question aux autres. Hein ? Teddy, Eddie. Oui. C'est bon, Marina ? Oui. Ok. Alors, ensuite, qui veut se présenter ? Ah, courageux. Teddy ! Ça m'a déjà arrivé une fois, au fait de la cuisine tout seul à la maison. Alors. Attends, on n'en est pas là, Teddy. Hein, on va commencer par le début. Ah, alors déjà, tu as quel âge, Teddy ? 19 ans. 19 ans. Mais ben... Ben oui, hein, Marina. Oh, il a grandi, hein. Hein, ouais, je suis plus le même. Tu n'es plus le même. Alors, pourquoi tu n'es plus le même ? Qu'est-ce qui a changé chez toi ? Bah... tout a changé, je me dis. Tout a changé. Moi, je t'ai connu petit. Oui. C'est vrai que t'étais pas comme ça. Non, maintenant, je suis plus comme ça. Oui. J'ai évolué, comme on dit. Tu as évolué, oui. Tu es un peu plus posé, moi, je dirais aussi. Oui. Hein ? Voilà. Qu'avant. Oui. Donc, tu as 19 ans. Oui. Hein ? Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, Teddy ? Toi, Marina, elle disait qu'elle faisait des stages. Ça, toi, tu fais quoi ? Des stages aussi. Je faisais des stages. Oui. Donc, toi aussi, tu es à la CIFPRO. Oui. Hein ? Et alors, tes stages, est-ce que c'est les mêmes que Marina ? Non. Ah, non. Alors, toi, c'est quoi ? Je faisais du grandissement, des espaces verts, puis il n'y a pas longtemps, j'ai été au mois de janvier, je faisais de la pisciculture. Ah, tu fais des stages à l'extérieur ? Aussi. Mm-hmm. Et alors, la pisciculture, là, c'est où ? Que j'ai dit, à la Meuse. Dans la Meuse ? Oh là là, il a fallu laisser papa et maman ? Oui. C'était dur, ça, non ? Un petit peu, au début. Au début ? Au début, après, je me suis habitué, pas beaucoup, un petit peu. Tu t'es un peu habitué ? Un peu. Mais là, si tu pars tout le temps, là, à 20 ans, ça va aller ? Je pense. Tu crois que ça va être plus dur pour toi ou pour tes parents ? Mes parents. Tes parents ? Ah oui. C'est sûr que c'est pas facile, hein ? Autant de quitter le nid que pour les parents laisser leurs enfants partir. C'est triste, oui. C'est triste. Après, j'aime pas, mais après, il n'y a pas le choix. Il faut faire avec. Ah, bah, c'est sûr, on ne peut pas rester sa vie chez ses parents. Bah, non. Et puis, bah, il faut faire quelque chose aussi. Bah, on pourrait, mais là, ça ne peut pas. On pourrait ? Mais là, ça ne peut pas. Toi, tu connais des gens qui restent toute leur vie chez leurs parents? Je ne sais plus, une fois, j'en ai déjà eu. Une fois, mais pas, oui. Pas plus. Pas plus. Oui, en général, tous les enfants quittent le nid, hein? Oui. Bah oui, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Mm. Tu es content alors, Teddy? Oui. D'autant que tu vas faire quelque chose qui va te plaire. En les plus. Poissons. Oui. Tu vas être heureux comme un poisson dans l'eau là-bas, hein? Hein, Teddy? Je crois. Tu oui. crois? Et puis alors là-bas, tu as ta chambre ou c'est des dortoirs Non, dans ma chambre. Tu as une chambre? Dans un foyer. Oh. Mais dans les petits apparts. Ah ouais. Puis il y a des filles là-bas? Oui, mais pas beaucoup. Ah, il n'y en a pas assez. Ah oui. Il y a plus de garçons que filles. Ah oui, ça va être embêtant ça. Hein? Bon, j'aurai l'habitude. T'as l'habitude de quoi? Bah, de ce que j'ai été là-bas, j'avais un petit peu l'habitude de faire. Il y avait plus de garçons que filles. T'as l'habitude qu'il y ait plus de garçons que des filles? Oui. Ah oui. Oui, il faut faire avec, hein? Pas le choix. Bah oui. Malheureusement. Et puis, est-ce que tu vois ton avenir là-bas? Dans la Meuse? Bah, déjà, je vais gagner des sous déjà pour. Ah pour oui. Mettre de réserve. Tu vas faire de la réserve. Non, mais je veux dire. Oui, tu vas mettre de l'argent de côté. Oui, alors est-ce que tu as un projet, Teddy? Avec ton argent de côté? Oui. Ah. Est-ce que tu veux nous le faire partager ou pas? Ou est-ce que c'est un secret? Bah. Ouais, je le dis. Vas-y. Pour acheter un étang, pour faire. Tu voudras acheter un étang? Oui, alors? Pour faire des élevages, pour faire. Faire des élevages et puis. Puis mettre dans les étangs, dans les rivières. Ah, puis après vendre. Les petits poissons alors? Ou vendre des poissons, ou des fois vendre des cartes de pêche aussi si. Ah, tu voudrais que les gens ils viennent pêcher dans ton étang? Alors c'est comme ça que tu vois ton avenir, oui. Teddy. C'est avoir un étang, des poissons. Tu peux faire ça. Ah bah oui, puis les gens, ils viennent, ils pêchent et ils payent. Plus il y a du monde qui arrive, ah plus bah... l'argent, il arrive de plus. Ah oui. Ça, j'en gagne beaucoup, beaucoup. Ça, c'est sûr. C'est un beau projet, ça, Teddy. Hein? Même lui, j'inviterais aussi. Ouais, mais il faudrait qu'il paye, non? Hein? Bah, tu vas pas les faire rentrer gratuitement. Moi, bah, je pourrais, sinon, mais... Sinon, tu gagnes pas d'argent. Partie, je peux faire gratuit et d'autres payants, hein. Après. Ouais, ouais, tu sais, si tu commences à faire des parties gratuites, tu vas pas gagner grand-chose, hein. Non. Et puis à la fin, t'as plus de poissons et puis t'as rien gagné. Après, le prix, je mets moins cher, quand même, là, au début. Ce sera moins cher pour eux. Alors, si nous, on vient tous, là, à ton étang, moins cher, ouais, ce sera moins cher pour nous. Allez, je vais dire 12 euros, voilà. Ça 12 va. Euros 12 oui. euros. Ça coûte combien, normalement, une entrée pour aller pêcher à un étang? Beaucoup plus, des fois. 5 euros, 10 euros. Oh, bah alors, toi, tu serais plus cher. Ah non, le plus cher qui était chez nous, c'était 55 ou 80. Tu vois, plus cher. L'entrée, à mon avis, devait pas avoir grand monde, t'es dit, hein, à 80 euros. Non, mais je veux dire, vers chez nous, il y a la Meuse, la Moselle. Oui. Ceux qui pêchent en rivière ou ceux qui pêchent en état, la rivière, c'est 80 et l'autre, en état. Ah, mais ça, c'est. Tu parles de la carte de pêche. Mmh. Ah oui, moi, je te parlais de l'entrée pour aller à ton étang. Ah, bah, l'entrée, non, je mettrais. Ouais. 2 euros ou 3 euros, c'est bon, c'est pas même moins, je suis pas trop cher. Pas plus. Et oh, tu vas pas devenir riche, t'es dit, hein. Oh si, allez, on va dire 5 euros. Allez. 5 euros. Ça va, donc. Avec ça, tu vas pas devenir riche. Bah, je veux pas mettre plus cher non plus. C'est mieux moins cher que plus cher. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que ça te plaît ce que tu fais en ce moment? À part tes stages, par exemple, tu es donc à la CIFPRO. Oui. Qu'est-ce que tu fais à la CIFPRO? Avec Albin, je fais des semis. Des semis? Ça, c'est bien, hein? Oui. Et puis, j'ai vu ça hier, que ça poussait bien. Hein? Oui, ça va. Comme la température, elle est normale et puis elle est douce, c'est normal que ça pousse. Ah oui. Parce que dehors, quand il y a froid, non, elle pousse pas. Pas beaucoup. Mais tu fais pas des semis avec Albin? Non, ah. Le passe-bé. Oui. On a été à coup chercher le fumier aussi pour Ah bah oui, mmh. Ouais. Faut de l'engrais, oui. Mmh. Pour l'engrais, et puis pour les légumes en plus, pour les fleurs aussi, ça pousse aussi. Mmh. Alors est-ce que tu reproduis ça chez toi? Faire des semis? Pas pareil. Comment ça, pas pareil? Moi, je fais... Bah, je les plante. Ah, toi, tu mets directement en terre, chez toi. Les creux, j'enlève tout, pour faire propre. Puis après, je mettais dedans. La même partie de soucis, puis une partie de consoum. J'ai mis les deux ensemble. Mais là, c'est dans une serre? Non. Non, là, c'est à l'extérieur. Parce qu'il fait pas trop chaud, là. Non. Ça doit pas trop pousser. Non. Mais je les ai laissés pousser, puis ça a bien poussé quand même. Ah, bah alors, là, on est sauvés, là, alors. Hein? Ça vient tous les ans. Mmh. Mais ça vient le printemps, été. Ça vient. Il y a des flottes saison, il y a des flottes de printemps, été, et d'autres automne-hiver. Ah bah oui. Mmh. Bon, bah Teddy, merci. On va passer à quelqu'un d'autre. De allez, rien. Néguib. Alors, vas-y. Donc, tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans, ok. Tu habites où, Néguib? À Bussan. Oh là là, c'est loin ça. Oui. Hein, au col de Bussan alors. Oui. Ok. Et alors, Néguib, ça fait pas longtemps que tu es à l'IME. Un mois et demi. Un mois et demi. Tu étais où avant? À la Feuillée Dorothée, au Val d'Ajol. Voilà. Ok. Donc, là, tu es à l'IME. Donc, tu es sur quel groupe? 16-20 ans. Voilà, la CIF Pro avec les autres. Hein. Et qu'est-ce que tu fais de beau, là, à la CIF Pro? Je suis en espace vert avec Albin. Ouais. Ça te plaît, ça? Oui, ça me plaît. Ouais. Est-ce que toi, tu fais des stages aussi? Ben, j'ai fait un stage à l'ESAT. Oui, alors tu faisais quoi? Comme marina, blanchisserie? Conditionnement. Conditionnement. Oui. Et ça te plaît, ça? Non. Non, ça te plaît pas? Non. Bah, c'est bien de le dire, hein, quand oui. Ça nous plaît pas. Hein. Mais, alors, est-ce que tu vas faire autre chose ou tu dois peut-être finir ta période de stage, quand même? Ben, c'est fini, là. Ah, c'est fini? Oui, oui. Donc, tu as dit que tu voulais pas refaire ça? Non. Donc, est-ce que tu as eu une autre proposition de stage? Ou pas pour l'instant? Oui, en ESAT, mais en espace vert. En espace vert? Oui. Ok. Donc ça te convient? Oui, ça me convient, ça. Ok. Mmh. Et puis, quand tu étais encore à la Feuillée Dorothée, par exemple? Il n'y avait pas d'atelier. Il n'y avait pas d'atelier? Non. Ah oui. Donc tu étais à l'école? À l'école. Sur le groupe. Et on faisait du sport. Ah oui. Ouais. Mmh. Et t'aimes ça, le sport? Oui, j'aime bien. Ouais, le mais foot. Là... Ouais, là, t'en fais toujours. Oui, oui. Est-ce que tu penses que tu fais assez de sport? Ou est-ce que tu aimerais non, en faire plus? Non, j'en fais pas assez, je trouve. Ah, t'en fais pas assez? Non. Tu voudrais en faire plus? Oui. Mmh. Ah oui. Vous aussi? Vous oui. aimeriez en faire plus? Oui, j'aurais fait plus de sport. Moi, moi aussi, mais il y a des choses que j'ai pas le temps. Et puis, on peut pas tout faire. Hein, on peut pas tout ça, faire. Hein. Mmh. Et puis... De toute façon, on dit toujours, c'est l'un ou l'autre. Ou l'autre. On n'a pas le choix. C'est l'un ou l'autre, oui. Mmh. Et puis alors, toi, Néguib, comment tu vois ton avenir? Parce que là, tu commences les stages, mais si tu avais le choix, si tu pouvais aussi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, travailler dans une commune. Travailler dans une commune, ok? À Bussan, par exemple? Ben, n'importe où. Hein. N'importe où. Toi, tu serais quitte à... Ouais, tu, ben, pardon, tu faire serais des kilomètres. Prêt, ouais, à quitter tes parents. Oui, ben oui. Oui, oui. T'es prêt? Oui, je suis prêt, moi. Ouais. Mmh. C'est bien. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu ferais à la commune? Ben, du débroussaillage. Des espaces verts. Oui, des espaces verts. C'est bien, c'est un beau projet, Néguib. Oui. Hein. C'est bien. À Bussan, Néguib. C'est à la frontière de l'Alsace, en fait. Ah oui, bah, je connais, oui. T'inquiète. Je connais, moi oui, aussi, oui. Je la connais. Moi aussi. Ouais, tout le monde connaît. Ouais. Et puis alors, bah, tiens, c'est la frontière de l'Alsace. Une petite question de géographie, oui. Néguib. Mais alors, quand t'as passé le col, que t'es l'autre côté, comment ça s'appelle? L'Alsace. Ah oui, mais le petit village. Urbès. Bravo, hein. Bravo, Néguib. Bien. Urbès, après Urbès. Non, mais bah, on va pas détailler toute l'Alsace, Teddy. Hein, voilà. C'est Néguib, là, qui parle. Hein. Oui, pardon. Voilà. Alors, toi aussi, tu serais prêt à quitter tes parents? Oui, oui. Ok, donc avoir aussi une chambre ou être en appartement? Moi, je préfère avoir un appartement à mon nom. Ah oui, à ton nom, carrément. Ah oui. Oui, mais alors là, il faut déjà travailler, avoir un petit salaire. Hein. Tu voudrais être autonome? Oui, oui. Bah oui. C'est bien ça, parce qu'il y en a souvent, ils sont pas prêts, ils veulent rester chez papa, maman, mais toi, c'est bon, oui. T'es prêt. C'est bien, hein. Vous voulez demander quelque chose, ou à Néguib? Non. Non. Zinedine Idor, à moitié, oui. Paul, est-ce que tu aimerais demander quelque chose à Néguib? Non. Non? Et toi, Steven? Non. Non plus. Bon, bah, on va passer à Steven. Ça va aller, Steven ? Oui. Ouais, allez. Alors, tu as quel âge, toi, Steven ? 17 ans. 17 ans. Alors, un peu plus jeune que Teddy, Eddie et tout ça. Oui. Donc, toi, c'est pareil, il n'y a pas longtemps que tu es à l'IME. Oui. Tu es arrivé en même temps que Negui, oui. Non ? Oui, en même temps. Après les vacances. Après quoi ? Les vacances. Après les vacances, voilà. Alors, toi, tu fais quoi ? À l'IME. Est-ce que tu fais les mêmes choses que Neguib ? Ou autre chose ? Ou gros chose. Ah, alors explique. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Espace vert. Espace vert ? Bah, ça rejoint un Alba. Peu... Alba. À quoi ? Albin. Oui, avec Albin. Alba. Oui, oui, oui, oui. Est-ce que ça te plaît, ça ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu fais d'autre ? Tu fais d'autres choses que l'espace vert ? Cuisine. Oui. Oui. Tu fais pas de la techno aussi ? Je sais plus. Tu sais plus. C'est pas grave. Oui. Hein, c'est pas grave. Alors toi, tu habites où, Steven ? Remiremont. Remiremont. Ah, quelle belle ville, Remiremont. Oh, ah, bon, sans commentaire. Ah, c'est une belle ville, oui. Remiremont. Ah ben, ce week-end, il n'y avait pas la braderie ? Si. Tu y es allé ? Oui. Oh, ben alors, hein. Vous saviez ? La braderie non. La braderie de Remiremont-Paul. Au centre-ville ? Oui. Tu es allé, Paul ? Oui. Voilà. Bon. Ok, allez, on passe avec la braderie. Hein. Alors, Steven, toi, comment tu vois ton avenir ? Qu'est-ce que tu aimerais faire un peu plus tard ? Parce que là, actuellement, donc, tu fais pas de stage. Si. Si, alors tu fais quoi comme stage ? Est-ce que c'est comme l'équipe ou autre chose ? Autre chose. Ah, tu fais quoi ? Il fait de l'STI, comme moi. Ah, oui. Donc tu vas à l'ESAT. Oui, mais il est terminé son stage, là. Ah, ok, oui. Alors, la question c'est, Steven, ton stage t'a-t-il plu ? Oui. Ah, lui ça lui plaît, oui. Toi non. Alors pourquoi toi ça te plaît ? Qu'est-ce qui te plaît à l'ESAT ? Dans ton stage ? Parce que C'est tranquille. Oui, gratuit. Le conditionnement, ça te convient. Oui. Que Neguib, lui, il faut qu'il bouge. Oui. Oui. Voilà. Bon, on a tout compris. Et toi, Steven, alors, comment tu vois ton avenir ? Après, peut-être que tu n'y as pas pensé. Hein. Pas passé. Tu n'y as pas pensé. Non. Après, tu es jeune, tu as encore le temps oui. Hein, de penser. Bon, bah, avant de passer à la personne suivante, si on pouvait faire une pause, Marion. Alors, je ne sais pas, c'est la chanson de qui, hein. On va découvrir. Ok. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire, quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau souffrir. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire, quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau souffrir. Fais-tu, où es-tu ? Est-ce que tu penses à moi ? Et sans toi, ouais, c'est dur, j'suis perdu sans tes bras. Trop rancunière pour m'avouer que j'te manque. Mais j'te connais par cœur, je sais quand tu mens. Dans ma tête, y'a tous nos délires. Non, j'ai pas tourné la page, j'fais que la relire. Te voir avec un autre, c'est impossible. Mais t'avoue, tout ça, c'est pas mon style. Toi et moi, on le sait qu'y'a toujours un espoir. Quand on commence un livre, on finit l'histoire. On s'écrit tout le temps, on provoque la jalousie. J'te dis que cette fille est belle, mais elle t'arrive pas à la cheville. Sur mon tel, quand ton nom s'affiche, j'ai le sourire aux lèvres. Plus rien n'existe, je relis nos messages, je pense au passé. On était si bien, dis-moi ce qui s'est passé. Aujourd'hui la vie nous a séparés. Tu souffres dans ton coin, moi c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît. Et comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi c'est trop oh, c'est chaud oh, j'en peux plus c'est trop oh, oh, oh. J'ai toujours voulu ton bien, car il faisait le mien. Souvent je pense à toi, est-ce que tu pars ou tu viens? toujours voulu te revoir, jamais te dire au revoir. Un signe, un espoir, on se retrouvera. Au fond de moi c'est la crise car on perd du temps. Trop dur de se faire la bise, je sens que tes lèvres tremblent. Si tu me tends la main, c'est ton doigt que je prends. Arrêtons les bêtises, laissons-nous une chance. Viens, on se voit, on se retrouve, viens, on parle, on se promet. Que plus jamais on se retourne et qu'on visera le sommet. Tout ce temps éloigné m'a paru si long de nouveau rassembler. On s'en fout tout le monde, y'a tes mecs qui te faisaient la cour. D'aller jouer plus loin, d'aller faire un tour. T'es à moi, je suis ton homme, ton pote, ton frère, tout à la fois. Je te donne mon corps, mon cœur, tout est à toi. Parano, par amour. Pardonne mes maladresses, c'est trop beau pour être vrai. Parano, par amour. J'ai beau t'aimer à mort, je ne sais pas comment faire. Je suis sûr, c'est qu'avec toi, je suis pas le même. Je suis devenu un homme avec la plus belle des femmes. Le passé, son messagerie, je crois que le bonheur m'appelle. Je nage dans un paradis en oubliant les flammes. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Tu souffres dans ton coin, moi, c'est pas. On a refait nos vies à ce qui paraît. Comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi, c'est trop. Oh, c'est chaud. Oh, oh. J'en peux plus, c'est trop. Oh, oh, oh, oh. Parano, par amour. Pardonne mes maladresses, c'est trop beau pour être vrai. Parano, par amour. J'ai voté mes amours, je ne sais pas comment faire. Parano, par amour. Je ne sais plus quoi faire. Parano, par amour. J'attends ton appel. Une chose est sûre, c'est qu'avec toi, je suis pas le même. Je suis devenu un homme avec la plus belle des femmes. Le passé, son messagerie, je crois que le bonheur m'appelle. Je nage dans un paradis en oubliant les flammes. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Tu souffres dans ton coin, moi, c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît. Donc, comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi, c'est trop. Oh, oh. C'est chaud. Oh, oh. J'en peux plus, c'est trop. Oh, oh. Wow, oh, oh. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Dans ton coin, moi c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît, à ce qui paraît. Comment ça se fait qu'on se rappelle? On se rappelle. J'pense à toi, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est chaud. Oh, oh. C'est chaud, c'est chaud. J'en peux plus, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Oh, oh, oh. Ah. On se rappelle. On se rappelle pas. Qu'est-ce qu'on fait? T'es où? T'es où? Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'es avec qui? T'es avec qui? Je suis tout seul. Voilà, c'était la chanson de Riza qui avait été choisie par Zinedine. Voilà, ça pour moi et ça pour Florine. Bien, bravo. Alors, tout à l'heure, Negui m'a repris et il a eu bien raison. Parce que je ne lui ai pas demandé à lui, mais aussi à Steven, quels étaient leurs hobbies, leurs loisirs. Vous, je vous ai demandé. Teddy, Marina, je vous ai demandé. Oui. Oui, voilà. Malheureux, oui. Je ne l'ai pas fait. Mmh. Donc, je m'excuse et je reprends. Alors. Neguib, quels sont tes loisirs? Le foot, la moto. Tu fais de la moto? Oui. Ah, ouais. De la 50. Donc, tu as la SSR? Oui, j'ai le BSR. Oui. Permis AN. Ah, bien, bien, bien. Mmh. Oui. Et puis? Et je fais du foot. Oui. Est-ce que tu fais partie d'un club? Non. Non? Oui. Et puis, je fais un peu de vélo. Mmh. Bien. Hein. Oui. Est-ce que tu fais la cuisine, toi? Non, j'aime pas. Ah, t'aimes pas? Oui. Ok, donc c'est maman, hein, oui. Bien sûr. Toujours les mamans qu'il faut en manger. Hein. Oh, voilà. Oui. Et puis sinon, est-ce que tu sors cinéma, comme Marina, spectacle, patinoire? Oui, je sors, oui. Ah oui. Tu vas avoir des spectacles, tout ça? Oui, j'ai des spectacles, des concerts. Des concerts? Oui. Alors, quel est le concert que tu as été voir la dernière fois? À Nancy, il y avait Maître Gims. Waouh, et donc, alors comment il est, Maître Gims? Il est beau. Il est beau, wow. Ah oui, maintenant, oui. Est-ce que vous avez déjà vu Maître Gims? Non, mais j'ai envie bien le voir. Non. Non. Bah ouais. Ça va, c'est pas cher pour aller le voir. Hein. Combien? 30 euros à peu près. Oh, ça va. 25, 30. Ça va, 30. Oui, mais tu, 25, étais, 25. Tu avais peut-être pas la meilleure place. Milieu. J'étais au milieu. T'étais pas dans la fosse? Non. Non. T'étais pas derrière un poteau non plus? Non, non. Donc tu voyais bien? Oui, oui. Ah, super ça. C'est bien, hein? Moi, je me rappelle toujours un concert, lequel, moi? Oui, t'es dit. Qu'on a été ensemble. Je sais lequel. C'était qui? Stromae. Ah, ça t'a marqué, ça? Oui, au Zénith. Ah, c'était pas au Zénith, hein? Non, Ah non, c'est à Belfort, non? À Belfort. Bien, Eddy. Belfort. Les Hurricanes de Belfort. Les Hurricanes de Belfort, oui. Moi, tu connais l'équipe Hurricanes de Belfort? Non. Non, c'est un festival. Et moi, Eddy, Emilia et Fabien. Et Fabien, Emilien. Ah oui, non, j'ai déjà vu avec un concert. Ouais. Toi, et non, moi, j'étais pas là, moi. Non. Il n'y avait que nous trois. avec toi et Fanny. Oui, bah, il fallait bien deux personnes hein, pour oui. Vous trois. Hein oui, on était, nous, on était dans les, le truc. On... Il faisait beau. Non, au début, c'était calme, mais après, par contre, voilà. Là, ça. Voilà. Et l'orage, en fait. Voilà. Ah bon ouais. Allez, on revient à Neguib. Oui. Alors, d'autres choses, Neguib? Non. Que tu aimes faire en extérieur de l'IME? Est-ce que tu vas te promener à pied, tout ça? Non, à pied, non. Tu préfères la moto? Oui. Et puis le scooter? Ah, bah oui, oui ouais. C'est sûr. Ah. C'est moins fatigant. Ah. Et est-ce que tu vas te promener loin avec ta moto? Oui, je fais des kilomètres. Ouais. Je vais chez mon papa et chez ma maman. Ouais, tu vas dans les villages alentours? Ouais, ouais, je fais les villages alentours. C'est bien, hein? C'est bien. Vous aimeriez, vous aussi, avoir une autonomie comme ça avec une petite mobilette ou un scooter ou... Oui, moi, ce serait un quad. T'aimerais, toi, Teddy? Ouais. Un quad. Et toi, Teddy? Ouais. Et Marina? Oh, oui. Non. Ah non. Non, bah alors, quand tu dois te déplacer, Marina, tu pars comment? À pied? Comment tu fais? Ouh, Marina, il y a quelqu'un? Oui. Tu vas comment quand tu dois te déplacer? En bus? En bus? Avec qui, ta maman ou toute seule? Toute seule. Ah, alors il passe devant chez toi le bus? Oui. Ah, puis alors tu vas jusqu'où avec le bus? Jusqu'à l'IME. Ah, et puis est-ce qu'il y a un bus pour remonter? Chez toi? Oui. Ah. Intéressant ça, parce que je connais d'autres personnes qui seraient bien qu'ils prennent le bus. Bon, bref, j'en étais à Neguib. Ouais. Alors, Neguib, est-ce que tu veux ajouter autre chose sur tes hobbies, tes loisirs? Je supporte le Paris Saint-Germain. Ah, moi aussi. Moi aussi. Alors, s'il vous plaît, je vous ai dit pas tout le monde en même temps. Hein. Le Paris Saint-Germain, oui. Ok. Est-ce que tu es déjà allé les voir? Non. Non, tu aimerais? Oui. Ah oui. Au Parc des Princes? Au Parc des Princes, en plus. C'est à Paris? Moi, je sais, je supporte qui aussi. Et l'équipe de France? Oui, bah oui. Ouais. Moi aussi. Deux étoiles? Deux étoiles? Oui. Moi, je sais, j'aime bien lesquels supporter aussi. Oui, bah là, c'est Neguib qui parle. Ah, voilà, oui. Merci. Vas-y, tu as la parole. Et je supporte aussi l'équipe de France? Ah, quand même. Oui. Quand même. Et puis? C'est tout? C'est tout, oui. C'est déjà pas mal quand même, non hein tout ce qui est informatique, tout ça, tu aimes aussi? Oui, j'aime. Ah, tu aimes. Tu es équipé chez toi? Oui, je suis équipé. Ouais, Internet, tout ça, ouais. Puis quand tu vas sur Internet, alors qu'est-ce qui t'intéresse sur Internet? Bah, les réseaux sociaux. Ah, Facebook, tout ouais, ça. Facebook. Ah, peut-être pas le droit de le dire. Si, Facebook, puis quoi? Snap, Insta. Snapchat. Oui. YouTube. Oui. YouTube, aussi. Ouais. Mais donc, t'as plein d'amis? Oui. Ah, ouais. Alors, tu passes beaucoup de temps? Oui. Oui, peut-être trop, non? Trop, oui. Ah oui, bah oui. C'est bien de le dire, trop. Et une autre question, après tu réponds si tu veux. Mais quand oui. Tu es chez toi, là tu me dis que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'à l'extérieur de chez toi, tu as des copains et tout ça que tu vas voir et tout ça? J'en ai quelques-uns, je fais de la moto avec. Ah, voilà. Je vais dans des terrains de cross avec eux. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu n'es pas fermé, que tu n'es pas... sur l'ordi est terminé, il n'y a plus rien à l'extérieur. Il y a une vie à l'extérieur. Oui, oui. Très bien, Neguib, c'est bien. Bravo. Bien, bien. Steven? Fais du vélo. Tu fais du vélo. Routine. Bien. Le foot. Le foot. Encore raquette, un fan de foot. Babi-tom. Tennis. Oh là là, piscine. Hé, hey, t'es un gros sportif, toi. Ouais. Hein? Ouais, c'est bien, c'est bien. Quoi? Il y a des piscines Piscine, oui. Ah, oui. D'accord. Et puis? C'est tout. C'est tout. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Alors, ça veut dire que quand tu es chez toi, tu fais beaucoup de sport? Oui. Ouais. Tu fais partie d'un club? Non. Non? C'est vraiment, voilà, comme ça. Oui. Ouais. Et est-ce que, comme Neguib, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux? Non. Non, pas du tout. T'aimes pas ça? Non, pas. Ah, t'aimes pas. Donc, tu as des copains autour de chez toi? Non. Non plus. Non. Donc toi, c'est le sport. Oui. À fond le sport. Oui. C'est tout. Mais en même temps, quand on fait du sport, on a aussi des copains. Oui. Parce que le sport, c'est une équipe aussi, non? Ah oui. Oui, aussi. Oui. Comme bah oui. Comme... Donc tu as quand même des copains. C'est plus. Dans les équipes de sport. Oui. Ouais. Bah oui, forcément. Il en fait avec ses parents du sport. Ah. Comme les supporters de foot, c'est une équipe. Bah oui. Donc, bah oui. C'est en équipe. Bah oui. Mais ça, c'est bien de faire du sport. Hein? Avec le sport, si on fait du sport et tout, bah, on a toujours le sourire, est-ce qu'on est en forme. Hein? Comme vous, hein, Teddy, t'as un grand sourire. Tu fais beaucoup de sport, toi. Bon, avant, j'en faisais plus, mais maintenant, moins. Ah oui, bah, ça se voit, Teddy. T'es radieux. Ouais. Que regarde Steven, il rigole tout le temps. Ouais. Hein? T'aimes pas trop le sport, Teddy? Un peu, mais pas beaucoup. Tu fais quoi comme sport, toi? Du vélo? Du foot, du vélo, du tir à l'arc. Ah, du tir à l'arc. Mmh. Alors, ça demande quoi, ça, le tir à l'arc? La vision, la vue. Ah bah oui, il faut bien voir, mais quoi aussi? Viser. De là? Précision. Précision, concentration. Concentration. Puis ça va, t'arrives à... Oui. Ouais. J'arrive à tirer. Okay. Des fois, j'arrive, j'essaie de mettre des fois plus dans le jaune, mais à chaque fois, des fois, je mets plein dans le jaune et un coup, du côté après. Alors. Mmh. Ok. Des autres couleurs, rouge, bleu, noir, blanc. Bien. Mmh. Merci, Steven. Paul. À toi, Paul. Mmh. Alors, Paul s'approche du micro. Mmh. Mmh. Allez. Ça ne dure pas longtemps, Paul. Alors, Paul, tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Oh, que c'est beau, hein, l'âge là, 17 ans. Alors, Paul, tu habites où? Remiremont. Remiremont. Tu connaissais Steven? Non. Non. Vous êtes jamais croisé? Je sais pas. Tu sais pas. Enfin, tu l'as pas vu, quoi. Hein? Non. Ouais. Alors, Paul, toi aussi, tu es à la CIFPRO? Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, à la CIFPRO? Est-ce que, comme les autres, tu fais des stages déjà ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Ah, c'est une amnésie chez Paul. Tu sais pas ce que tu fais à la CIFPRO? Non. Non? Non. Alors, peut-être que tu sais ce que tu fais chez toi? Mais... Ah! Alors, quand tu es chez toi, est-ce que, comme Neguib, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux? Non. Ah, non. Alors, tu fais quoi? Attention, je ne veux pas entendre, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper, Paul? Tu vas te promener? Oui. Oui, alors tu te promènes en ville? Oui, en ville. Shopping? Oui, shopping. Ouais. Tu vas boire un coup? Oui, oui, on boit un coup. Ah bah oui, hein, ça fait du bien de boire un coup. Hein, oui. Hein, Paul? Oui. Bah oui, hein. Et puis, c'est quoi tes loisirs, Paul? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'IME? Le sport, moi j'aime bien. T'aimes bien le sport? Oui. Alors, quel sport? Le foot. Le foot, ah ben, on pourrait faire une équipe presque ici, hein. Et fan de foot, hein. Le foot avec les pompes. Les pompes. Tu aimes faire des pompes? Oui. Alors, combien tu en fais à chaque fois? 10. 10 pompes. Et est-ce que tu fais plusieurs séries ou pas? Non. Non. Une série de 10 terminée. Oui. Voilà. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Non, une cuisine, j'en pas trop. Pas trop, mais t'aimes bien manger? Pas trop, non. Ah non, t'aimes pas trop manger? Non. Ah non. Non, non. Non, il aime pas manger. Vous avez pas l'air d'accord, vous? Non, non, je suis pas d'accord. Il aime mieux manger, donc... Il aime bien manger, ouais, Paul. Ah, oui, hein. Non, il faut savoir. Raclette. On se calme. En même temps, tout le monde. Oui. Paul plus. Paul plus. Mais peut-être que Paul, il est gourmand. Ouais, c'est ça. Après, Paul, moi je comprends que tu sois gourmand. Moi aussi, je suis gourmande. J'aime bien les bonnes choses, hein. Toi aussi? Bah oui. Bah oui, bah écoutez, voilà. C'est pas normal d'aimer les bonnes choses? Bah si, quand même. Voilà. Je suis un gros. Moi, je suis regarde, un... Marion, elle est pareille, je suis sûre. Hein. Regarde Marion, je suis sûre qu'elle est d'accord aussi. Hein. Tu vois, elle aime aussi les bonnes choses, c'est normal. Hein, Paul? Oui. Moi, bah oui. Je suis un gros coucou au monde. Oui, bon, on savait, Teddy. Hein. Mais là, on est avec Paul. Alors, Paul, comment tu vois ton avenir, toi? Oh, je sais que tu es encore jeune, c'est peut-être un peu difficile de se projeter, mais au lieu de faire, essaye de devenir quelque chose. Parce que là, tu vas être jusqu'à 20 ans à l'IME, mais oui. Après, qu'est-ce que tu penses faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire plus qu'une autre ou... Je sais pas. Tu sais pas? Non. Est-ce que tu penses rester chez tes parents quand tu seras, quand t'auras 20 ans? Oui. Bon. Jusqu'à quel âge, Paul? Oh. 20 ans. Ah oui, donc à 20 ans, tu pars de chez toi. Dès que tu quittes l'IME, boum, Paul il s'envole, il quitte ses parents. C'est ça? Non. Non, ah. Alors peut-être plus tard. Peut-être. Peut-être. Ouais. Après, c'est vrai, c'est confortable hein, chez papa, maman. Hein, hein. Oui. Mais à un moment donné, il faut quand même partir, Paul. Hein. Oh hein? Non, j'aime pas. Ah, t'aimes pas? Ah, non. Tu veux pas? Non, non, j'aime pas trop. Tu veux pas, toi? Non, non. Bon, écoute, t'as le temps de réfléchir, hein, de toute façon. Hein? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu le film Tanguy? Non. Non, c'est quoi? Non. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Non. Bah, c'est un jeune qui reste chez ses parents. Il a quel âge? 30, 35? Bah, voilà, il est encore chez ses parents. Et ses parents, ils ne savent pas comment faire pour qu'il parte. Parce qu'il s'accroche, il s'accroche, il s'installe, il s'installe. Puis ses parents, ils en ont marre. C'est comme vous. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que chacun fasse sa vie, quoi. Hein? Et pas. Oui, voilà, le 2 sort au cinéma, donc je vous invite pendant les vacances à aller le voir. Ça va vous faire rire. Le 2. Et réfléchir en même temps, Paul. Hein? Oui. Voilà. Alors, avant de passer à Eddy et Zinedine, on pourrait peut-être écouter la chanson de Neguib. Oui. C'était quoi ta chanson? Caris Poussière. Caris Poussière. Merci Marion, Zinedine. De rien. Noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. J'veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Avant de retourner à la poussière, hey. J'ai rêvé qu'on était gavé. Mercedes GLA, Caris, on avait les clavés. Caris, dame de luxe, t'as pas de Vuka. Non, je te ramène au SAV. Quand le produit est trop tuba, j'ai la jura. Comme Vegeta, la police suit mon train de vie, même via mon Insta. La justice a le ventre arrondi. Tous mes frères sortent en condi. Je n'écoute plus les ondis. Je danse comme une douille qui rebondit. Du zoo comme Mougli, je vais les Mougou pour pas qu'ils oublient. Ouais. J'vais tuer Goblins, arracher Cuban Links. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que j'sorte de la misère. J'veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. J'sors de la galère, j'sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que j'sorte de la misère. Avant de retourner à la poussière, hey. La nourrice veut me donner le biberon. Moi je veux qu'elle garde mes litrons. Je veux des bouts sans piton. Rien à foutre, je vais leur mettre des petits ponts. Ça défouraille sur leur mère. Les douilles plein l'univers. Je te paye pas mais tu me viscères. Non. Je me réveille avec la rage. Avec la rage de la veille. Dans une main j'ai l'oseille. Dans l'autre main j'ai la bouteille. Je confonds le giro des keufs et celui de l'ambulance. Je veux juste que tu sois ma meuf. Je veux juste que tu m'ambiances. Et tu m'ambiances. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. J'veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Avant de retourner à la poussière. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. J'veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Avant de retourner à la poussière, hey. Voilà, nous reprenons. Ah, Negui et Paul, ça foup, ça, ça snap. Hein. Bah oui, Paul. Paul. Oui. Tu étais en train de regarder les messages papa, maman, ta sœur, oui. Hein. Alors est-ce que tu veux leur faire un petit coucou vite fait? Oui. Allez, vas-y. Maman, je t'aime. Oh, que c'est beau. Mais pour ça, je t'aime aussi. Et papa aussi, je t'aime aussi, papa. C'est très beau, Paul. Merci. Allez, il nous reste peu de temps, donc on va être concis, hein, entre Eddy et Zinedine. Zinedine, tu es prêt? Oui. Allez, on attaque. Là, on parle Zinedine, 19 ans. Oui. Tout beau. Voilà, classe. Voilà, ça, ouais, tout beau. Alors, Zinedine. Oui. Donc, toi aussi, tu es à la CIFPRO. Oui. Et quel stage tu fais, toi? T'as le CTI, t'as le Puserie et Cousine. Alors, tu es allé à Contrex, non? Oui. 3 semaines? Oui, 3 semaines. Alors, c'était dur, ça? Dur et fatigué. Beaucoup de travail là-bas. Il y a beaucoup de travail? Ouais, vraiment, oui. Et tu faisais quoi là-bas? Carton, boîte. Carton, boîte? Oui. Ouais. Carton, relure, boîte, relure. Tout était très lourd. Ouais, vraiment, oui. Très fatigant. Ah oui. Ah. 7h matin, vraiment chaos. 7h du matin? Ah vraiment, oui. Alors, ça donne pas envie de travailler, ça, Zinedine, non? Si, mais bon, hein, comme ça. Alors, t'as envie d'y retourner là-bas, à Contrex? Oui, mais fort ça. Mais? Oui, voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Voir oui, ça. Voir ça. Ah oui, ok, ok. Et puis, toi Zinedine, comment tu vois ton avenir? Alors, moi, mon avenir, alors, on va voir tout seul, c'est moi, ma sang, piscine, ma femme, son enfant, travail, c'est su. Salaire. Et voilà. Oui. C'est ça. Bah voilà, hein, alors là, je crois que t'as tout dit, Zinedine. Mmh. Voilà, c'est ça. Ah. Sportif, si. Ah ouais. Mmh. Alors la maison, ta chambre, la piscine, la femme, le salaire. T'as pas dit la grosse voiture. Ouais, voiture. Voiture. Voilà, bah Zinedine, il sait ce qu'il veut, hein. Mmh. Hein, Zinedine? Ah oui. Ouais. Alors Zinedine, toi, quels sont tes hobbies, tes loisirs? C'est quoi alors? Ben, ce que tu aimes faire en dehors de l'IME. Alors, moi, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, travail et sport. Ben, tu travailles quand t'es chez toi? Non, c'est moi et Thor, si. Faire bourre, faire peinture. Peinture? Oui. Faire cuisine. La cuisine? Oui. Oh, ben tiens, donne-moi un de tes plats là, que tu sais faire. Couscous. Le couscous. Tassine. Mmh. Panini. Mmh. Frites. Frites. Ah oui. Ah bah ça va les frites, c'est pas trop dur ça. Bah c'est rien. Mais ouais. Le couscous, dis donc, c'est long en plus hein. Et là, ça va aller. Couper carottes, patates, fiottes, poulet, mancasse, saucisse, et après ça prend. Oh là là. Oui. Je faisais même aussi les gâteaux marocains aussi. Voilà frère, c'est ça. Bah tu sais, un jour, on veut bien aussi goûter les petits gâteaux. Hein, parce qu'on va pas amener le couscous à la radio, mais les petits gâteaux... hein, ah oui, ça ferait bien. Bah oui, mais ça. Attention, des petits gâteaux faits par toi. Mmh. Pas ta maman, hein. C'est toi, t'as dit que tu savais cuisiner. Ah oui, faire ça, parfait, plaisir parfait. Ah bah c'est gentil. Ah bah c'est gentil. Plaisir parfait et frère. Oui, je sais, okay. Moi je sais les... C'est quoi, c'est les cornes de gazelle, tout ça? Non, c'est les gâteaux macarons, ils sont... C'est quoi, noir. Il y a du miel avec, dedans. Oh, ah, tout pour la ligne, quoi. Oui, ah, on va dire ça. Ah, c'est trop bon, j'ai si. C'est en forme d'un... ovale, hein. Comme bon, on verra quand on pourra les manger, hein, Zinedine. Voilà, on reparlera là. Voilà. Merci, Zinedine. Eddy. Je m'appelle Eddy, j'ai 20 ans. 20 ans, oui. Alors, Eddy, là, ils sont tous passés, tu sais les questions que je pose. Alors, est-ce que tu peux y répondre? J'ai fait un stage il n'y a pas longtemps. Oui, alors tu étais où, Eddy? En cuisine, à l'IME de Saint-Amé. Ah, en cuisine, donc avec Eddy. Oui. Ok, d'ailleurs, Eddy, il sera notre invité à la rentrée. Oui, c'était avec lui. Ok, donc, ça te plaît, ça? Oui, ça va. Alors toi, est-ce que tu vois ton avenir en cuisine ou tu préférerais faire autre chose? En cuisine. En cuisine? Oui. Et là, donc, tu apprends à faire à manger? Oui, j'apprends à faire à manger. Ouais, qu'est-ce que tu sais bien faire pour l'instant? Je sais faire un pot-au-feu. Un pot-au-feu? Oui. Alors, est-ce que tu l'as déjà refait chez toi? Oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on met dedans? La viande, des carottes, des patates, du navet, du chou, un oignon et puis le jus, de l'eau, voilà. Tu sais, moi je commence à saliver à cette heure-ci, hein, ça donne faim. Hein. Voilà. Oh, alors. C'est tout, mais c'est bien, Eddy, que tu aies déjà trouvé ta voie. Oui. Hein? Et puis alors toi, est-ce que tu serais prêt à partir de chez toi? Par exemple, si un jour on dit, bah Eddy, voilà, il y a une place pour toi, mais il faut que tu ailles à Vittel ou je ne sais pas trop où, qu'on traîne le château. Est-ce que tu serais prêt à partir? Oui. Oui. Donc tu serais prêt à partir de chez toi, aller, je sais pas, à un foyer ou je sais pas quoi, ou avoir ton appartement. Oui. Et te débrouiller, oui, tout seul. Oui, je préfère me débrouiller seul, oui. Ouais. Donc tu es prêt à partir de chez oui, toi? Oui, je suis prêt à partir de chez moi. Marina, elle fait des gestes, là. Ah. Alors, Marina, je ne sais pas si elle est d'accord pour que tu partes tout seul. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, Marina? Hein? Vas-y, explique-toi, oui, Marina. Vas-y. Vas-y, Marina. Bah si, moi aussi, j'aimerais partir. Ah, alors donc, oui, non, mais... Je vais partir à la rentrée. À la rentrée, tu pars? Oui. Donc, tu laisses Eddy à l'IME et toi, tu pars? Oui. Donc, vous allez être séparés? Oui. Ça fait rien? Non. Non. Oh, bon, alors... Ah. Ça va manquer un petit peu. Ça va pas, non? Un peu, ça va manquer. Elle va manquer un peu, quand même. Et toi, okay. Marina, il va pas te manquer, dis? Si. Si? Alors, comment vous allez faire? Vous allez vous écrire? Vous téléphoner? Elle n'a pas de téléphone, Marina. Oh, bah. Marina, t'as pas de téléphone? Non. Non. Bon, et toi, t'en as un, dis? Oui. Moi aussi, mais le mien, il bug quand même. Toi, je crois lui. Alors, ça va être la fin d'une grande histoire, là, ou... Non. Non, vous allez maintenir le feu, la flamme. Oui, oui, oui. Oui, ben oui, hein. Quand même. Vous êtes vraiment mignons, hein, tous les deux, hein. Et puis, en plus, ça fait des années que ça dure. Oui. Hein. Oui. Que vous avez une complicité, tous les deux, hein. Parce que ça fait... Oui, ça fait un bon. Oui, ça fait des années. Ça fait des années. Des années. Alors, est-ce que dans l'idéal, plus tard, vous aimeriez, bah, plutôt qu'une chambre, avoir un petit truc tous les deux? Oui. Oui. Ah, oh, bah oui. Oui. Et bah, de toute façon, vous êtes jeune, hein. Tu sais, des fois, voilà, on laisse passer un peu de temps, puis hop, on se retrouve. Oui. Hein, il faut être positif. Oui. Bah oui, hein. Moi, j'en ai pas, alors. T'as pas de quoi? J'ai pas de copine, non. T'as pas de copine? Oh, pauvre Teddy. Dommage. Ça fait même 5. De quoi ça vient, ça? Je sais pas. Est-ce que tu les laisses parler, au moins, les filles Bah oui, je les... Non. Hein? Est-ce que tu les écoutes? Non, ils les écoutent tu pas. Tu sais, les filles, elles aiment bien si, qu'on les écoute, Teddy. Et s'il y a que toi qui tiens le crachoir, la pauvre fille, au bout d'un moment... Avant, mais... Des fois, ils coupaient la parole aux filles, Teddy, des fois. Hein? Non, pas tout le temps, quand même. Ça, il y a encore du travail, Teddy. Hein. Okay. À laisser un peu de place aux là, autres. Ça fait, allez, depuis célibataire, ça fait déjà 5 ans que je suis célibataire. 5 ans célibataire. Bah, tu trouveras jamais une fille. Ouais. Bah, pourquoi il trouverait jamais de fille? Mais si, un je jour. Encore trop jeune. Bah, il est jeune, tôt. Hein. Hein? Plus oui, attends. Alors, Eddy, tiens, je termine avec oui. toi. Alors, quels sont tes loisirs quand tu es chez toi? J'aime bien me promener dans le bois. Ah, bien. Et j'aime bien faire le ménage. Oh, c'est rare les hommes qui aiment bien faire le ménage, c'est bien Eddy. J'aime bien aussi ranger. Oui. Et j'aime bien passer du temps aussi sur mon portable. Quoi. T'as pas d'ordinateur toi chez toi? Si, j'ai deux ordi. Oui. Et t'as pas internet peut-être? Si, j'ai internet. Et tu préfères être sur le portable? Oui, c'est... Donc toi, les réseaux sociaux, t'aimes bien aussi? Je vais pas trop sur les réseaux sociaux. Ah, pas trop. Non. parce que ça peut être dangereux. Oui, c'est dangereux. Encore, hein. Oui. Il faut le rappeler. Oui, c'est dangereux. Hein. Mais c'est bien, ça. Vous savez, on arrive au bout de l'émission. C'était trop court. Ah oui, ouais, c'est beaucoup grands, trop court. Ils avaient des choses à dire. Mais par contre, vraiment, je tiens à vous féliciter. Parce que vous avez tous vraiment bien progressé hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Vous avez des beaux projets dans la tête. Oui. Hein? Oui. Mais oui, non, oui. Mais c'est bien. Hein? Oui. Et puis vraiment, je vous souhaite pleine réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Et je vais laisser le mot de la fin à Néguib et Steven, puisque c'est la première fois que vous veniez. Est-ce que vous avez encore envie de revenir, peut-être une fois, ou est-ce que vous êtes déçu Non, moi ça m'a plu, je voudrais revenir plusieurs fois. Ah, moi aussi. Toi aussi ça t'a plu? Ouais. C'est la première fois que je rentre dans un studio. Oui. Oui. Oui, puis peut-être qu'une fois t'aimerais passer en technique, comme Zinedine. Non, c'est bon, je suis bien ici. Hein. Ah, tu préfères être là. Oui, Teddy. Non. Je sais qu'on avait préparé une autre question concernant les anciens éducateurs et tout, mais là, tu n'en as pas le temps. Là, il est 11h. Donc, on va dire au revoir aux auditeurs et rendre l'antenne. Et on se retrouve à la rentrée avec Eddy. Au revoir. Doucement, bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci.